lumière, ville misère. Des blindés, des bobos, des clodos. Y'a plus d'âme, y'a plus de vie. Tout pour la finance, pour le fric. Un paradis, y'a plus de titi. À la place des banquiers, des requins, des condés, des squats, tous rasés. Que du neuf, y'a plus de teuf. Tes nuits sont mortes, la population mise à la porte. Ceci afin que les nantis, les pourris, les vernis, les bien-nés puissent flamber dans des quartiers refaits. Détruisant l'âme de Paname, celle que j'aime et qui n'est plus. L'âme de Paris et celle de ses rues. Mais aujourd'hui, tout ceci n'existe plus. Car toi mon Paris, oui Paris, tu n'es plus qu'un souvenir lointain et gris. Un souvenir qui pue. Paris, je ne t'aime plus. Paris, I don't love you anymore. Paris, I don't love you anymore. La reine des pétards, j't'ai connu prostituée avec des quartiers attitrés. J't'ai connu vivant des mondes secrètes, amante. J't'ai connu galère sur le bitume, le sang d'un frère. J't'ai eu chaudasse dans mon pieu à une époque bénie des dieux où tu ne risquais pas ta vie en sortant ta queue. Diplôme garanti pour apprenti jeune, vicieux, j't'ai vu foncer avec des rues pour dégueuler. J't'ai vu pas reluisante, mais si kiffant périlleuse. Mais pas aussi dangereuse, nos nuits agitées finissaient brumeuses, blessantes mais batteuses. Seulement ce soir, Paris, oui, Paris, oui, Paris, tu n'es plus qu'un souvenir lointain et gris. Un souvenir qui pue. Paris, je ne t'aime plus. Paris, Paris, je ne t'aime plus. Paris, I don't love you anymore. Je t'aime et ne t'aime plus. Ma vie, mon futur, mon vécu. Paris, je t'aime.